lè koutye a ou plere mwen. Se la ke ou fè mwen flashe. Flashe. Se lè ou kavre lounen an bout ta chime la. Ou ou. Pon destination l'amour.